www.histoirevivante.ch. Il est 13h30 et là, tout de suite, vous avez rendez-vous avec Histoire Vivante sur la première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire Vivante. Cette semaine, le petit fait encore des siennes. La diplomatie et l'influence par le chéquier. On estime à peu près à 50 milliards de dollars les excédents financiers annuels du Qatar. Retour sur le Qatar. Qui cherchent à se positionner comme une puissance influente. Ils se disent que si les autorités du Koweït avaient organisé la Coupe du Monde en 1990, l'Irak ne les aurait pas envahis. C'est 1,7 million d'habitants, mais surtout 200 000 autochtones. Ce petit pays voit l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn rompre leurs liens diplomatiques avec lui. Il y a aujourd'hui des associations, des groupes qui, au nom d'une religion ou au nom d'actions caritatives, recueillent des dons privés qu'ils détournent. Si l'émir nous demande notre avis, alors on lui dit sincèrement notre avis. Et s'il ne vous pose pas la question, vous gardez votre avis pour vous, il ne compte pas. Les Qatar Papers, ouvrage de Christian Chéneau et Georges Malbruno, révèle la cartographie du prosélytisme en France et en Europe menée par Qatar Charity, la plus puissante ONG de l'émirat. Des documents confidentiels, divulgués pour la première fois, détaillent la plupart des 140 projets de financement de mosquées, écoles, centres islamiques au profit d'associations liées à la mouvance des frères musulmans. Ils dévoilent le salaire payé à Tariq Ramadan, figure de l'islam politique que Doha sponsorise hors de ses frontières. Au terme d'une enquête dans 6 pays européens et une douzaine de villes de l'Hexagone, les auteurs, Chéneau et Malbruno, exposent la dissimulation, parfois le double langage, des associations islamiques sur leur financement étranger, ainsi que la politique de l'autruche, suivie par de nombreux maires, par électoralisme ou ignorance. Ils pointent l'absurdité de la situation, avec le seul argent des fidèles comme subside, comment les mosquées, en France, pourraient-elles se priver des aides venues de l'étranger ? Un voyage dans les coulisses d'une ONG richissime et opaque, liée au sommet de l'État qatarien, comme le révèle son financement par plusieurs membres de la famille régnante, les Al-Thani. C'est le cœur du sujet du nouveau documentaire d'Histoire Vivante, à voir dimanche soir sur RTS2 et à découvrir dès aujourd'hui sur le site des docs de la RTS. À Doha, en ce mois sacré de Ramadan, les fidèles affluent dans les mosquées pour rompre le jeûne. En famille, de nombreux Qatariens se rendent dans les centres commerciaux. On vient faire ses courses, mais aussi accomplir son devoir religieux à un kiosque de Qatar Charity. Et quels sont les projets ? Ce sont des projets de soutien aux orphelins, sur l'eau potable, distribution de nourriture dans les zones de famine. Mais seulement dans le monde arabe ou dans le monde entier ? Non, partout dans le monde. Qatar Charity est la plus grande organisation humanitaire de l'émirat. Fondée en 1992, elle est présente dans plus de 70 pays à travers le monde. Elle aide les réfugiés et les déshérités victimes de catastrophes naturelles ou de guerres. Ces images consensuelles sont-elles l'exact reflet des missions de l'ONG ? Ou Qatar Charity sert-elle d'autres ambitions au service de l'émirat ? Beaucoup des actions de ces ONG sont alignées sur les objectifs politiques du Qatar. Ces objectifs, depuis les printemps arabes de 2010-2011, ont été de mettre en avant et de soutenir l'agenda politique des frères musulmans ou de certains groupes djihadistes en les soutenant financièrement. Le lien est très clair dans le sens où aucune ONG, dans un petit état du Golfe, ne peut être autorisée à opérer de la sorte sans le feu vert des autorités. Il y a aussi des liens évidents par le fait que plusieurs individus ont à la fois des positions gouvernementales et des engagements dans ces ONG. Un extrait du nouveau documentaire d'Histoire Vivante consacré au Qatar, à voir dimanche soir sur RTS2, à découvrir dès aujourd'hui sur le site des docs de la RTS. Premier invité de notre semaine, Nabil Ennasri, qui se présente à vous. Je suis doctorant à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, en deuxième année de thèse sur la politique étrangère du Qatar. Et je suis également l'auteur de L'énigme du Qatar et l'animateur du site L'Observatoire du Qatar. D'où vient cet intérêt, semble-t-il passionné, pour le Qatar ? Ça vous vient d'où, ça ? Je dirais intérêt mesuré. Intérêt mesuré ? Voilà. Bah, pendant deux livres, c'est quand même qui est intéressé. Effectivement, hein ? Complètement. En fait, j'ai passé 6 mois en 2002-2003 aux Émirats Arabes Unis et j'ai pu bénéficier d'un stage de langue arabe 1 an et demi plus tard au Qatar. C'était en septembre 2004. Et j'ai passé 2 mois au Qatar et ma première expérience au Qatar m'a directement fait voir une différence d'approche entre les Émirats Arabes Unis que j'avais côtoyé 1 an et demi avant et le Qatar qui, dès les débuts des années 2000, mettait en place toute cette stratégie pour pouvoir devenir un acteur influent dans les différents domaines, tant politique, diplomatique, sportif que médiatique. Quand vous découvrez ça, parce qu'il y a de l'architecture derrière ça, il y a du gigantisme, il y a de l'ultramodernisme, il y a voilà. Comment on reçoit ça ? On est fasciné, galvanisé, étonné. C'est vrai que c'est un peu la folie des grandeurs et on est un petit peu fasciné par ce désert qui aujourd'hui se transforme en ville nouvelle. Et j'ai été au Qatar en 2004, j'y suis retourné en 2005 et depuis j'y retourne régulièrement pour les travaux universitaires. Et à chaque fois, effectivement, la ville se transforme. C'est un chantier à ciel ouvert et ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'à mesure que je me rendais sur place, je constatais tout simplement que le désert cédait la place à une forêt de gratte-ciel. En 2004, il y en avait très peu. Aujourd'hui, c'est quasiment l'une des villes qui est la plus bouillonnante au niveau de l'immobilier. Et on imagine ce que sera le Qatar à l'horizon 2022. Un Qatar complètement, encore une fois, transformé, puisque en 2022, la Coupe du Monde aura lieu et que le pays aura, encore une fois, considérablement changé dans sa géographie et la perception qu'on en aura à tous les niveaux. Pour avoir un tout petit peu regardé quelques images, moi-même, avant de notre rencontre, Nabil et Nasri, moi j'ai noté une forme de... Comment dire ? Oui, nouveauté, mais alors c'est d'une artificialité fulgurante. On peut le prendre effectivement comme ça, c'est-à-dire que c'est un pays qui se cherche, un pays qui se construit, un pays très neuf. Le Qatar a... Un pays qui se construit au sens propre et au sens figuré. Complètement. Le Qatar a un peu plus de 40 ans d'existence. Il est né, en tout cas, il a accédé à l'indépendance en 1971. Mais plus encore, la date du Qatar nouvelle formule, c'est en juin 1995, c'est-à-dire encore plus récent. Le jour où prend le pouvoir l'émir Hamad Ben Khalifa Thani, qui donc destitue son père et lance le Qatar sur une nouvelle ère. Et c'est vraiment à partir de là que le Qatar émerge et émergera de manière considérable, encore une fois, notamment lors des années 2000. Mais pour revenir et rester à un étage individuel, vous indiquiez une différence entre les monarchies que vous aviez pu fréquenter auparavant et le Qatar. Vous dites que le Qatar, il y a une différence. Sur un plan esthétique, est-ce que la différence est notable ou là on est véritablement dans une forme de continuité d'urbanisme explosif ou ne mettez-vous l'accent de la différence que sur la question de la diplomatie, de l'attitude vers l'extérieur ? Plutôt le deuxième aspect, c'est-à-dire que ce qui m'a le plus marqué, c'est pas tant le fait que, en termes d'urbanisme et de découpage des villes, par exemple, les villes du Golfe se ressemblent. D'ailleurs, elles ont importé le modèle américain. C'est des villes en damier avec des constructions de gratte-ciel. Donc, ce sont des villes complètement neuves qui ressemblent beaucoup à l'architecture américaine. Ça, c'est le premier aspect. Ensuite, ce qui m'a véritablement marqué, c'est la tendance à la fois diplomatique, mais pas uniquement dans la diplomatie, c'est-à-dire également ce que souhaitait mettre le Qatar en œuvre dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture, dans le domaine des médias, dans le domaine de l'accession à la connaissance, dans le domaine, encore une fois, du tourisme culturel, dans ce qui est fait au niveau architectural, artistique et également archéologique. Le Qatar déploie un activisme à tous les niveaux et on percevait, dès le début des années 2000, c'est ce qui m'avait poussé à prolonger un petit peu cette étude par un master de sciences politiques et ensuite par une thèse et les différents ouvrages que j'ai pu produire. Pour rester à cet étage de la présence de la modernité, c'est que certes on construit des immeubles, et si les villes sont à l'image des villes américaines, encore faut-il rappeler qu'aux États-Unis, le gigantisme américain était destiné à une population de pionniers. ce ne sont pas des pionniers qui se trouvaient sur les terres du Qatar, c'était d'autres personnes. Alors comment les anciens, pardon pour cette appellation un peu générique, se sont-ils faits à cette nouvelle donne? C'est un petit peu eux qui l'ont imaginé, eux qui l'ont promu et ils l'ont voulu. C'est-à-dire que la population autochtone du Qatar, aujourd'hui, même si elle est très peu en termes de proportion, aujourd'hui le Qatar est l'un des pays au monde, est le pays au monde avec la population étrangère la plus importante. C'est plus de 85% de la population qui n'est pas une population autochtone, avec une majorité d'habitants qui proviennent du sous-continent indien, donc des pays comme le Sri Lanka, l'Inde, le Pakistan, les Philippines, etc. Maintenant, cette stratégie d'importer une main-d'œuvre pour pouvoir produire le développement économique du pays, c'est encore une fois commun à l'ensemble des pays du Golfe, mais particulièrement au Qatar, parce que la demande est extrêmement forte depuis une vingtaine d'années, parce que le pays, à la différence du Koweït et des Émirats Arabes Unis, a eu un petit retard dans l'allumage, à savoir dans cette volonté, encore une fois, de créer des villes nouvelles, de sortir un petit peu du développement qui était le sien des années 80-70, c'est-à-dire un développement plus soft, plus doux, un développement moins... mesuré. Effectivement. Et à partir de 1995, là, on a vraiment une volonté claire et nette, développée par l'émir Cheikh Hamad, de rattraper un petit peu le retard. Et donc, évidemment, il y a un afflux massif d'étrangers qui fait qu'aujourd'hui, encore une fois, le Qatar est le pays avec la population la plus importante au niveau des étrangers. Ce qui veut dire qu'on a affaire à une démographie stable. C'est simplement un accroissement considérable de personnes venues de l'extérieur. En 1995, le pays avait 500 000 habitants. Aujourd'hui, on a dépassé les 2 millions. Donc on voit qu'en une vingtaine d'années, on a une multiplication par 4 de la population du Qatar. Et évidemment, l'essentiel de cette population vient, encore une fois, d'étrangers qui sont venus pour pouvoir porter un petit peu l'essor du Qatar. Nabil et Nasri, voilà, on vous attend sur votre interprétation à vous. Il faudra dire que tout au long de la semaine, nous entendrons des variations d'interprétation sur ce déploiement diplomatique, multiple, dont il faut dire qu'il a la chance d'être assis sur des réserves financières et matérielles considérables. Donc on peut être un tout petit pays, mais avoir un potentiel de développement. Nous en savons quelque chose. Alors, quelle est votre interprétation de ce déploiement-là? Alors, je pense qu'il faut d'abord revenir aux fondamentaux du pays. C'est-à-dire que le Qatar, il faut le resituer dans sa réalité géopolitique. Le Qatar est un petit pays. C'est à peine plus grand que la Corse ou l'île de France. C'est plus petit que la Suisse, naturellement. C'est un pays éminemment riche, qui est assis sur les troisièmes réserves mondiales de gaz naturel. C'est le pays qui abrite la plus grande poche de gaz offshore au monde, qu'on appelle le North Stream. C'est également un pays pétrolier qui vend 1 million de barils de pétrole par jour. Et donc cette conjonction d'une petitesse du territoire avec une richesse considérable crée un sentiment de vulnérabilité. Et à partir de l'accession au pouvoir de Cheikh Hamad en juin 1930... Dans une pareille région. Effectivement, dans une région éminemment volatile, ouais, et extrêmement tendue, puisque le Qatar est situé un petit peu dans l'œil du cyclone. Hein. Il est juste à côté de l'Arabie Saoudite et en face de l'Iran, dans une région du Golfe qui a traversé beaucoup de guerres et une instabilité chronique. Donc on a une situation de péril. Et donc les autorités, à partir encore une fois de 1995, vont souhaiter développer une politique qui consiste à jouer sur l'image, sur ce qu'on appelle le soft power, sur la diplomatie d'influence et du rayonnement, pour pouvoir compenser des faiblesses intrinsèques inhérentes à un État très petit et très vulnérable. Et ça, c'est à la base de la stratégie de la reconnaissance et de cette obsession du Qatar de s'afficher pour exister. Il faut rappeler qu'au milieu des années 90, quand le pouvoir change, on est au lendemain de la guerre du Golfe. Et la guerre du Golfe, c'est l'Irak de Saddam Hussein qui envahit le Koweït. Et ça, c'est encore... La première guerre du Golfe. Hein. Tout à fait. Et ça, c'est éminemment perceptible auprès des autorités du Qatar, puisqu'il y a cette sensation, cette tentation de se dire que demain, on peut être tout simplement réduit, ou voire rasé, par un pays arabe, fût-il frère, en l'espace de quelques heures. Donc il nous faut s'afficher sur la scène internationale. Les autorités du Qatar font un pari et une équation. Ils se disent que si les autorités du Koweït avaient organisé la Coupe du Monde en 1990, l'Irak ne les aurait pas envahis. C'est-à-dire qu'on peut jouer sur un certain nombre de registres pour pouvoir compenser la faiblesse militaire d'un État. On va jouer sur le soft power, on va jouer sur le registre de l'image pour pouvoir s'afficher et pour pouvoir tout simplement avoir les moyens d'une sécurité que l'on n'a pas, puisqu'évidemment on n'a pas d'armée avec une population de 300 000 habitants. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a quelque chose qui différencie le Qatar des autres pétromonarchies, c'est que le Qatar a très vite mis en place et formalisé une vision, ce qu'on appelle la vision nationale du Qatar à l'horizon 2030. Les autorités du Qatar ont une feuille de route qu'ils balisent par étapes, par des plans quinquennaux. L'idée est d'aboutir en 2030 à une situation d'un État moderne, d'un État qui soit économiquement florissant, d'un État qui puisse faire un petit peu la jonction entre islam et modernité, et d'un État qui joue un rôle majeur dans l'équation stratégique régionale, voire dans le rapport de force mondiale. Et toute une politique va être convoquée auprès des autorités du Qatar sur un certain nombre de leviers pour donner du sens, encore une fois, à cette obsession de la reconnaissance. Au niveau médiatique, très vite, Al Jazeera va donner au Qatar une vitrine planétaire. Au niveau sportif, on va voir le Qatar qui va émerger comme un épicentre du sport mondial, avec toutes les grandes organisations, les compétitions internationales d'ampleur mondiale qu'il organise à partir de 2006. Il y a également toute une stratégie autour de la culture et naturellement toute une stratégie autour de la diplomatie. Le Qatar va jouer un rôle de plus en plus prépondérant tout au long des années 2000 et va profiter d'un vide de puissance au Moyen-Orient, par un retrait de plus en plus visible de l'Arabie Saoudite, qui est engluée dans des calculs de succession avec un pouvoir qui vieillit, avec une Égypte qui, sous Moubarak, commence également à vieillir et n'a plus les moyens de son ambition régionale. Et donc le Qatar va identifier un vide de puissance qu'il va occuper. Et qu'il va occuper également parce qu'il a les moyens de sa politique. Encore une fois, il est assis sur des réserves considérables de gaz. Il a une population qui est, somme toute, mineure, qui lui permet de dégager des sommes considérables. On estime à peu près à 50 milliards de dollars les excédents financiers annuels du Qatar. اهلا بكم الى موجز الانباء من قناه الجزيره. افادت مصادر للجزيره بان قوات الجيش اليمني قصفت بصواريخ الكاتيوشا مواقع مسلحي النخبه الشبوانيه المدعومه اماراتيا غرب مدينه عتق مركز محافظه شبوه في تطور نوعي تشهده المواجهات. Nabil Ennasri, vous êtes avec nous aujourd'hui pour évoquer ce dont il sera question toute la semaine, à savoir le petit émirat du Qatar, petit par la taille mais grand par l'influence et les moyens, nous rappelez-vous, en première partie d'entretien. Vous nous disiez également que le Qatar avait une feuille de route dont l'horizon était à la date de 2030, mais les feuilles de route, quand bien même fussent-elles écrites avec la meilleure encre, doivent aussi s'adapter au hoquet du temps. Or, la période, et surtout la région, a été traversée de mille et un tumultes. On pense évidemment aux différents mouvements qui se sont développés à partir de la Tunisie jusqu'aux sanglants événements actuels en Syrie, en Libye et toujours malheureusement en Irak. Dans quelle mesure la feuille de route s'est-elle trouvée infléchie, transformée ? La politique extérieure du Qatar, fondée, vous nous le rappeliez, sur l'angoisse du fantôme koweïtien, s'est-elle adaptée et de quelle manière ? Elle s'est adaptée et elle a connu une espèce d'essor assez important à partir de l'irruption de ce qu'on a appelé le printemps arabe en Tunisie. Très rapidement, les autorités du Qatar ont fait le calcul suivant. On est en face d'une scène régionale où un certain nombre de régimes sont à bout de souffle. Ce sont des régimes dictatoriaux, illégitimes auprès d'une grande partie de leur population. Et dès que Ben Ali quitte le pouvoir et que Moubarak, lui aussi, et déboulonné au Caire, les Qataris se disent que on est aujourd'hui à un tournant majeur de l'histoire du monde arabe. Donc il vaut mieux profiter de cette situation pour pouvoir être du bon côté de l'histoire. Très vite, le Qatar va prendre le parti des révolutions, notamment par le biais de la chaîne Al Jazeera qui va jouer un rôle considérable dans l'évolution des événements et dans l'extension de ces événements à d'autres pays arabes. On pense naturellement après l'Égypte, la Tunisie, puis la Libye, puis le Yémen et également la Syrie. D'autant que le Qatar, lors de la fin des années 2000, était en froid avec une grande partie de ses États. Je pense encore une fois au régime de Ben Ali et de Moubarak. Donc c'était également une stratégie pour pouvoir tout simplement profiter d'une situation afin de faire tomber des États avec lesquels on était en situation de délicatesse auparavant. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que le Qatar avait abrité pendant des années les opposants à ces régimes, notamment les représentants de la confrérie des frères musulmans, qu'il s'agisse des frères musulmans égyptiens ou des frères musulmans tunisiens. C'est-à-dire que là encore, on a une volonté de pouvoir soutenir un certain nombre d'opposants avec lesquels on était, pour le coup, très très en lien lors des années précédentes. Le troisième aspect, c'est que on est dans une situation géopolitique tendue qui permet au Qatar, encore une fois, vu le vide de puissance, d'occuper encore davantage la scène régionale. Parce que l'Arabie Saoudite, qui reste la pièce maîtresse de la région, et voit ces soulèvements d'un mauvais œil, ce que le Qatar profite pour pouvoir faire avancer ses intérêts. Donc c'est une espèce de conjonction d'éléments et de facteurs qui permettent à l'État du Qatar de se positionner comme élément dominant dans la région et donc de soutenir ces révoltes arabes, avec un bémol évidemment. Quand le Qatar soutient... Un seul ou beaucoup, quelques bémols, oui. Plusieurs, mais peut-être le plus important, qui met en évidence une forme de contradiction. Vous me direz, le Qatar n'est pas le seul. Mais quand même, c'est assez significatif pour le souligner, puisque on va aller dans le sens des révoltes en Syrie, en Libye, en Tunisie et ailleurs, mais on va se taire à Bahreïn. Et à Bahreïn, c'est, de mon point de vue, et malheureusement un petit peu, une ligne confessionnelle qui va guider un petit peu les orientations politiques des autorités qatariques, comme les orientations politiques de tous les acteurs de la région, puisque le clivage confessionnel sunnite-chiite devient l'un des termes majeurs aujourd'hui de l'équation stratégique dans le Golfe et au Moyen-Orient en général. On va soutenir l'élan révolutionnaire dans un certain nombre de pays, mais on va participer à la répression à Bahreïn. Et c'est tellement vrai que la chaîne Al Jazeera, qui va encore une fois amplifier l'élan des soulèvements populaires dans tous les pays, va plus ou moins se taire en ce qui concerne Bahreïn, parce qu'encore une fois, on est dans une situation où les régimes du Golfe ont une peur bleue de voir se répandre cet élan révolutionnaire au sein de leur État. باستبدال مسمى صاحب الجلالة بلقب أحبه يشرفني إن أحمله وهو خادم الحرمين الشريفين. Nous le savons un petit peu en Europe, et notamment pour les pays européens qui ont pu avoir des révolutions, celle-ci dévore souvent ses enfants. Et être du bon côté de l'histoire, comme vous le disiez juste avant, Nabil et Nasri, dans une période de tumulte révolutionnaire, n'est jamais garante dans la durée. Quelle est actuellement la position du Qatar, en sachant qu'on entend bien la capacité de développement? On en mesure également la puissance par l'argent, mais après tout, la diplomatie du chéquier a elle-même également ses limites. Et puisque l'on a pointé depuis quelques années, après avoir été ébloui par le Qatar, une face plus sombre, et que toute une littérature du Qatar bashing s'est propagée sur les étagères des libraires, on en est où, là, maintenant, entre le Qatar que vous avez découvert et les événements qui se sont produits et la littérature qui a été, bonne ou mauvaise, produite dessus? Je pense qu'effectivement, nous avons une forme de reflux et du retrait de l'influence du Qatar aujourd'hui au niveau de la scène régionale, pour plusieurs raisons. D'abord, on a une volonté manifeste des poids lourds traditionnels de la région, et je pense notamment à l'Arabie Saoudite, de reprendre du poil de la bête, et ça s'est particulièrement illustré avec ce qu'on a vécu en Égypte, à savoir la destitution et le coup d'État de Mohamed Morsi, soutenu, financé, validé, voire encouragé par l'Arabie Saoudite notamment et les Émirats Arabes Unis, qui ont souhaité mettre un terme à cet affichage et cette diplomatie agressive et intrusive du Qatar par une volonté de réapparaître au niveau de la scène régionale. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est sur la situation syrienne, où là encore, les Saoudiens ont souhaité, notamment après l'intrusion ouverte et manifeste du Hezbollah aux côtés du régime de Bachar el-Assad, de mettre un stop, tout simplement, au retour d'influence de l'Iran en Syrie. puisque ça c'est encore une fois un élément fondamental à mettre en évidence, c'est cet antagonisme, ce clivage entre les deux grands États de la région que sont l'Arabie Saoudite et l'Iran. L'Arabie Saoudite voit d'un très mauvais œil le retour d'influence de l'Iran depuis maintenant une dizaine d'années, suite à l'accession au pouvoir en Irak d'un régime pro-iranien, et elle avait caressé l'espoir de voir le régime de Bachar el-Assad, qui est une pièce maîtresse dans ce qu'on appelle l'arc chiite, tomber. Force est de constater que maintenant, depuis quelques mois, on a une forme de redressement du régime de Bachar el-Assad qui, tout simplement, va dans le sens des intérêts iraniens. Donc les Saoudiens se sont dit qu'il faut maintenant aller de l'avant et soutenir davantage la rébellion et devenir le parrain premier de cette rébellion. C'est pour ça qu'on a eu un changement à la tête de l'opposition syrienne avec un Ahmad Jabra, qui est donc le président, qui est davantage l'homme des Saoudiens, alors que précédemment c'était le Qatar qui menait un petit peu la baguette au sein de cette opposition. Ça c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est que on a eu quelque chose d'important au Qatar, à savoir une abdication de l'émir au profit de son fils. Je pense que parmi les éléments fondamentaux qui expliquent cette succession, on a certes un émir qui arrive en fin de vie, qui est âgé, qui est malade, qui avait déjà émis le souhait de laisser le pouvoir à son fils, mais également peut-être une volonté de modérer un petit peu l'activisme du Qatar, qui pendant un moment a réussi à la diplomatie du pays. Mais le Qatar en a tellement fait un petit peu qu'on est aujourd'hui dans une phase de retour du boomerang. Dans beaucoup de pays arabes et également des pays occidentaux, on a une forme de Qatar bashing, c'est-à-dire une campagne de dénigrement, voire de diabolisation du Qatar, dont l'une des sources, l'une des origines est cet activisme débordant et cette volonté d'apparaître comme un État qui, au final, mène un petit peu la baguette et quasiment gère ce qui s'est passé dans le monde arabe. Donc il y a eu un phénomène de rejet. Et donc pour modérer un petit peu cette appréciation négative, les Qataris sont extrêmement sensibles à leur image, le soft power, on a voulu manifester et illustrer ce changement de cap par tout simplement un changement de régime et de personne à la tête du pouvoir. Mais on pourrait dire, en mot de conclusion, à cette brillante introduction, que quand on travaille sur la géopolitique, on a l'impression que le sous-titre permanent est « Navigation à vue dans un paysage dans le brouillard ». Oui et non, c'est-à-dire que les Qataris, en tout cas en ce qui concerne la diplomatie, la politique à long terme et cet horizon 2030, ils y restent fondamentalement attachés. Au-delà de la diplomatie, il y a un élément central au Qatar, c'est que le pays se développe. On a une stratégie de diversification économique. On a une politique autour de la connaissance qui a été menée depuis une quinzaine d'années qui commence à apporter des fruits. On a aujourd'hui au Qatar quasiment le principal pôle d'excellence académique au niveau régional. On a également toute une industrie autour du sport. On a un soft power consensuel qui est mené par le biais du sport, par le biais des médias, par le biais de la culture et qui doit porter le Qatar à l'horizon 2030 afin d'en faire un État viable économiquement. La stratégie veut qu'à l'horizon 2030, on ait un PIB qui soit au moins la moitié tiré de moteurs de croissance autres que les hydrocarbures. On a une volonté de développer le tourisme, avec une multiplication quasiment par 10 des touristes au Qatar à l'horizon 2030. On a une volonté d'élargir le bassin d'influence d'Al Jazeera. Donc, au dehors de la diplomatie, on a des lignes de force qui restent, qui demeurent et qui seront toujours les éléments essentiels de l'arc politique qatari. Donc, malgré un espèce de brouillage et des difficultés au niveau diplomatique, du fait d'une région, encore une fois, en perpétuel mouvement, on a des éléments, des axes forts qui demeurent et qui, de mon point de vue, feront du Qatar un État qui continuera à jouer un rôle important au niveau régional. Nabil El Nasri, merci d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Demain, un nouvel invité pour évoquer le Qatar. Nous recevrons, pour deux émissions, Jérôme Lavandier. Cette semaine est réalisée par Jean-Philippe Svalen.